France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de la semaine et de tous les rendez-vous scientifiques, bien sûr aujourd'hui Continent Science dans la série Culture Science, toujours en direct de la Maison Ronde, du studio numéro 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, actualité faisant, puisque le Festival de Cannes démarre, donc tous les rendez-vous scientifiques s'alignent sur cet événement cinématographique et évidemment, nous ouvrons cette semaine consacrée à la science et au cinéma. Et en particulier, eh bien, nous allons regarder peut-être de près, peut-être de loin, je ne sais pas encore, peut-être effondrés par la gravitation, les interstellaires et autres gravitiers. Pour cela, ont répondu à mon invitation, à l'invitation de Continent Science. Jacques Trenet, on va expliquer tout de suite quel physicien il est. Et puis, si je peux me permettre, des duettistes, puisqu'ils signent beaucoup d'ouvrages tous les deux, ensemble, Jean-Michel Courtier et Édouard Kierlik, voilà. Mais évidemment, cinéma ou pas, nous allons respecter notre habitude, la chronique animalière. Cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les mouches. Oui, les mouches, les drosophiles. Dont la fameuse mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster, utilisée, comme on sait, comme modèle par les biologistes de l'évolution. Chez melanogaster, les mâles présentent toujours un abdomen noir, tandis que celui des femelles est clair. Mais une autre espèce, Drosophila, celle-là, erecta pour son nom, d'espèce donc, elle fait exception à la règle. Chez cette espèce, des femelles de même couleur que les mâles côtoient en effet des femelles qui, elles, sont claires. Des scientifiques de l'université d'Incousine ont mené une enquête pour déterminer l'origine de cette espèce de dualisme. Et grâce à des méthodes génomiques de pointe, comme elles le sont toujours, ils ont tout d'abord mis en évidence celui des gènes impliqués dans la pigmentation mimétique. Et cela parmi les 15 500 gènes que compte le génome de ce diptère. Il s'agit du gène TAN, T-A-N. Il est responsable de la coloration noire des drosophiles. En étudiant l'ADN de Erecta à l'aide de techniques de biologie moléculaire, les chercheurs ont également démontré ou montré que la présence de deux types de femelles chez cette espèce résultait d'un polymorphisme équilibré et très ancien. En somme, les femelles claires et les femelles sombres coexistent à part égale depuis au moins 3 millions d'années chez cette espèce, ce qui laisse supposer que cette coexistence est le fruit d'une adaptation maintenue par la sélection naturelle, précise l'un des chercheurs de l'équipe. Cette équipe a ensuite cherché à savoir ce qui poussait certaines femelles à imiter, avec les guillemets qu'il faut, les mâles. La réponse à cette question est venue de l'observation du comportement, cette fois des libellules. Chez certains représentants de cet ordre d'insectes, plusieurs travaux ont prouvé que les femelles ressemblant aux mâles étaient moins harcelées lorsque la compétition sexuelle devenait trop intense. Les biologistes qui étudient les drosophiles savent par ailleurs depuis fort longtemps que les stratégies de reproduction des femelles sont aux antipodes de celles des mâles chez ces diptères, alors que les mâles ont intérêt à s'accoupler avec autant de partenaires que possible pour bien sûr maximiser le nombre de descendants. Un seul accouplement suffit aux femelles pour féconder tous leurs œufs, précise encore un autre chercheur. Puisque la descendance des femelles drosophiles n'augmente pas lorsqu'elles prennent part à de nouveaux accouplement. Les auteurs de l'étude suggèrent donc que les femelles masculinisées moins attractives seraient avantagées car moins harcelées. Elles ne peuvent toutefois leurrer les mâles que s'il existe des femelles à abdomen clair dans des proportions similaires. Bref, un processus de sélection aurait ainsi permis aux populations abritant les deux formes de cette coloration de se maintenir depuis plusieurs millions d'années. Reste maintenant, et pour conclure, à savoir dans quelles circonstances l'histoire évolutive de Drosophila erecta s'est engagée dans cette voie. Bonjour Jacques Trenner. Bonjour Stéphane Delis-Georges. Alors, physicien c'est sûr, et physicien où? Comment? Puisqu'il y a un long parcours. Oui, mes cheveux blancs. Bref. Je suis physicien théoricien. J'ai appartenu à un laboratoire de recherche qui était à Orsay, et puis j'étais prof à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Oui. Voilà. Vous avez aussi enseigné la physique à Sciences Po. Oui. On va arrêter le curriculum vitae dans ce cas-là. Oui. Auquel des deux duettistes vais-je m'adresser en premier? Jean-Michel Courty. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis professeur de physique à l'université Pierre et Marie Curie. Oui. J'étais collègue de Jacques Trenner. Vous connaissez puis, bien. Oui. Et j'effectue mes recherches au laboratoire Kassler-Brossel. Bonjour Édouard Kerlik. Non, je suis toujours professeur de physique à l'université Pierre et Marie Curie. Donc moi au sein du laboratoire physique théorique de la matière condensée. Alors évidemment on s'est lancé parce que c'est aussi, je ne sais pas d'ailleurs la raison de fond, mais en tout cas lorsqu'il y a de la science entre guillemets, de la technologie de pointe, évidemment ça intéresse plutôt les physiciens, c'est un petit peu l'explication. Là, on est devant deux blockbusters massifs que sont, évidemment, qu'on a retenu, qui sont Interstellar et Gravity. On aurait pu évidemment se tourner vers la biographie d'Alan Turing. Dans ce cas-là, il aurait fallu convoquer des gens spécialistes en intelligence artificielle. Ça n'est pas le cas. Bon. Alors, on peut peut-être commencer par avoir, à vous solliciter pour avoir votre sentiment. Je me tourne vers vous, Jacques Trenner. Vous aimez les films où il y a... Est-ce que vous aimez les films comme Gravity? Est-ce que vous aimez... Je sais que vous avez un petit chéri qui est plus ancien, mais est-ce que vous les aimez, ces films? Différemment. Je crois que je n'ai pas eu l'enthousiasme qui est abondamment partagé pour Interstellar. Et je préfère un petit peu Gravity, qui est moins science-fiction. Que Interstellar, mais je ne sais pas si on va discuter maintenant des raisons et des goûts, etc. Mais je juste en un mot comme ça, j'ai trouvé que si vous voulez, ce qui m'intéresse dans science et cinéma, dans le thème science et cinéma, c'est pas tellement l'occasion de s'extraire tout de suite pour aller faire de la science et de voir ce qu'il y a comme science là-dedans, mais c'est plutôt le problème des rapports humains, les grands invariants de l'espèce humaine, la vie, l'amour, la mort, les enfants, l'ambition, la violence, tout ce que vous voulez, dans un contexte où la science est présente. C'est ça. Mais il s'agit pas de faire de la science, il s'agit simplement de se placer dans ce contexte-là, un peu comme quand on regarde la série sur la Maison Blanche, eh bien on perçoit les rapports de pouvoir, les rapports humains, etc., mais dans un contexte de conseiller de la Maison Blanche, quoi. Voilà. Donc là c'est la science est dans le décor, elle est présente, elle est quelquefois même fortement présente. Mais elle est un décor qui donne le cadre dans lequel les rapports humains se développent. Et évidemment, ces rapports humains prennent des colorations différentes compte tenu de ce contexte. Vous dites d'ailleurs dans une sorte de petit digest que vous avez eu la gentillesse de me faire passer avant l'émission, vous avez rassemblé vos arguments que vous faites tout à fait passer après les questions scientifiques. Il y a d'abord la dimension, comme vous venez de le dire, la dimension dramatique où, oui, après tout, on peut dire que la science est un élément du décor, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est intéressant là, c'est tout ce qu'on ne dit pas quand on fait un cours de physique, justement. Parce que la physique permet l'actualisation permanente des théories physiques, fait qu'on peut se passer de leur histoire. On raconte la science au meilleur de ce qu'elle est aujourd'hui, oui, ce qu'on sait de mieux. Et donc, on le raconte, voilà, comme, et on n'a pas besoin d'avoir toute l'histoire. Alors, c'est intéressant d'avoir toute l'histoire, mais c'est pas nécessaire quand on fait de la physique et quand on enseigne la physique. Mais dans ces cadres-là, enfin, dans le cadre cinéma, théâtre, etc., où il y a de la science, justement, on va raconter tout ce qu'on ne dit pas d'habitude, oui. C'est-à-dire toutes les querelles de pouvoir, toutes les ambitions, toutes les, enfin, ce qu'ont été les gens, et comment ils ont été poussés dans leur retranchement dans certains contextes, comme celui de la guerre ou d'autres. Mais là, alors, on va s'intéresser à l'humain, justement, et donc, mais de l'humain dans ce contexte-là, spécifique. Alors, on pourra y revenir tout à fait naturellement, puisque dans notre actualité, ben, vous avez écrit une pièce, vous êtes à deux, avec un certain Olivier, je suppose que c'est votre fils. Oui, c'est mon fils aîné, oui. Voilà. Le père et le fils ont écrit donc une pièce qu'on peut voir, et donc, évidemment, et là, et l'argument dramatique, c'est la situation historique. La situation historique, le moment de la guerre froide, la question de savoir s'il faut ou pas faire des bombes atomiques après l'horreur d'Hiroshima, ainsi de suite, la position de certains. Donc, c'est tout à fait différent. Alors évidemment, il y a un absent de Marc, on va dire, qui aurait bien aimé être parmi nous, puisqu'il est sur des positions complémentaires, ou en tout cas différentes. Il s'agit de Roland Lehoucq, et que vous pouvez, d'une certaine manière, et vous, Jean-Michel Courtier, et vous, Édouard Kienlik, partager. C'est-à-dire qu'il constate, puisque lui aussi a joué le jeu de m'envoyer un petit mot à un certain nombre de questions que je lui posais, il dit le public anglo-saxon, il aime bien la science et il y trouve souvent prétexte pour avancer, trouver un motif pour, de façon très à l'anglo-saxonne, comme on le dit souvent, trouver des moyens pédagogiques, didactiques, en disant voilà ce qui s'est passé. On peut faire de l'électromagnétisme en disant mais si vous regardez bien l'épée de je sais plus quel empereur, je ne connais pas ces séries là qui sont des blockbusters. Éternel à 260 000 items, mais donc on regarde l'électromagnétisme. Vous êtes un peu sur cette position. Oh bah, déjà pour tous ces films-là, je pense qu'on Édouard est Kienlik. Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà, on est bon public. Moi, quand je regarde ces films, en fait, le scientifique, il est un peu de côté, et je dois dire que j'aime bien tous les types de films, mais les blockbusters me plaisent bien aussi, et quand je les regarde la première fois, en général, je débranche le physicien et je profite de l'histoire sans me poser trop la question de est-ce que c'est cohérent ou pas. Moi, j'attends qu'il y ait une bonne histoire, qu'on m'emmène avec des personnages. Et puis, moi, je vois un autre intérêt de ces films quand je fais de l'enseignement ou de la vulgarisation des conférences, c'est que c'est important quand on s'adresse à un public de pouvoir parler de choses qu'on partage avec lui. Et aujourd'hui, alors, avec l'âge, je partage de moins en moins avec mes étudiants qui sont de plus en plus jeunes. On n'a pas forcément les mêmes références culturelles. Et en plus, nos audiences, que ce soit dans les salles de conférences où on a tous les âges, ou les étudiants qui viennent de tous milieux sociaux, c'est difficile d'avoir des choses que tout le monde partage. Et en fait, il y a deux choses que les gens partagent, c'est le sport. Donc les grands événements, style la Coupe du Monde du foot, les Jeux Olympiques, et ça on peut s'appuyer dessus, et sport et science c'est fantastique, et il y a les blockbusters du cinéma. Et ça, donc pouvoir se servir de ces films-là comme accroche pour faire de la science, ça permet d'évoquer des moments qui ont été partagés par tout le monde, et puis ceux qui n'ont pas vu les films, de toute façon ils en ont entendu parler, et donc on partage quelque chose à partir duquel on va pouvoir démarrer. Ouais. Et c'est le cas de Gravity, d'Interstellar ou d'autres films. Et là, dans ce cas-là précis, vous avez évidemment mobilisé la gravitation et les ondes gravitationnelles, hein, dans la circonstance. Alors voilà, là ce qui est... En plus, là, on recoupe l'actualité, évidemment. Alors ça, c'est effectivement, c'est fantastique, là, avec ces deux films-là, on a un concours de circonstances sur le fait que il y a 30-40 ans, des physiciens se sont dit que la gravitation, la relativité générale, c'est quelque chose qui permettait d'expliquer ce qu'on observe dans l'univers, mais qu'on pouvait se permettre de la tester, de faire des expériences pour ultra précises, pour aller tester ces théories. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés il y a une quarantaine d'années, 30-40 ans, et qui aujourd'hui arrivent tous par concours de circonstances à maturité. Ouais. On a eu la détection récente des ondes gravitationnelles, exceptionnelles, avec la première détection directe de trous noirs. Ça, c'est quand même assez fantastique. En couple, en couple. En couple, voilà. En plus, la coalescence de deux trous noirs. On a eu très récemment l'envoi dans le ciel du satellite Microscope, qui est un satellite qui va aller tester le principe d'équivalence, l'universalité de la chute libre. Je pense qu'on en reparlera un peu plus plaisir, tard. Avec plaisir. Et puis, en février prochain, va y avoir l'une des horloges les plus sensibles du monde qui va être envoyée sur la station spatiale pour voir comment le temps change lorsque l'on est à un autre potentiel de gravitation. Donc tout ça, c'est ce qui est montré dans ces films Gravity et Interstellar de manière imagée. Et en ce moment, on est en train de le tester et de faire de la science avec. Alors, peut-être même question, est-ce que vous avez plaisir à aller voir ces films d'abord? Est-ce que vous êtes un bon spectateur? Oui, moi j'aime beaucoup les films de science-fiction en règle générale. Mais je reste un spectateur avant d'être un physicien et je m'en tiens au talent du réalisateur et je suis plutôt sensible au ressort dramatique plus qu'à la physique. Même si parfois, par bouffée, très brièvement, me vient l'idée que tiens, ce phénomène m'étonne ou me semble peu crédible ou pas. Mais ce n'est pas ce qui me motive évidemment pour aller au cinéma. Et ce qui est, me semble-t-il, aussi assez frappant lorsque l'on parle de science au cinéma, c'est que justement tous les avis finalement qu'on a a posteriori sur Gravity, Interstellar, sur la science qui est faite dedans, c'est d'abord plutôt des avis d'experts. Oui. Et qui, plutôt des gens du domaine, du spatial, des ingénieurs, des astronautes eux-mêmes, qui, dans le cas de Gravity, valident ou invalident le sentiment d'être, entre guillemets, dans le vide spatial, que ressentent, enfin que nous font vivre plutôt les deux acteurs, ou bien des physiciens professionnels, des astrophysiciens pour nous expliquer tel ou tel phénomène. Donc on a vraiment, pour aller chercher la science dans le film, on a besoin d'un regard d'expert. Je trouve ça quand même assez frappant. Quand vous citez Roland Le Hook, qui a une analyse, effectivement. L'idée de Roland, c'est qu'il rentre dans le film, quelque part. Oui. Comme s'il était près de l'empereur, qui fait ses éclairs, et qui se dit, mais comment est-ce possible? C'est ça. Comment ça marche? Il y a des trucs, qu'est-ce qu'il y a de dissimulé sous sa robe? Comment sont ses ongles? Il va répondre à ce genre de questions. Ce qu'on ne voit pas, ce que le public profane ne voit pas, c'est la sélection que Roland a faite de telle ou telle scène. Ça veut dire qu'il choisit évidemment dans l'œuvre cinématographique les moments où la cohérence scientifique est suffisante pour justement développer un discours de science grâce au film. Il ne choisit pas les moments où qui seraient vains. Si jamais on apprenait que l'étoile noire était poussée par des anges, on les verrait à l'écran peut-être, mais voilà, quelle science pourrait-on faire dessus? Probablement pas. Bien Donc, sûr. Le regard de scientifique sur le film, c'est aussi un regard d'expert qui va sélectionner les moments sur lesquels, finalement, il va pouvoir jouer avec le cinéma, jouer avec la science. Qu'est-ce que vous faites à l'ordinaire dans vos ouvrages? Petite incise. Qu'est-ce que vous faites dans vos ouvrages? Quel est votre jeu? Alors, parce qu'il y a un fond didactique. Hein. Bah nous, notre jeu, c'est d'essayer de revenir à la réalité. Et c'est vrai que pour revenir à la réalité qui nous entoure, on peut utiliser les films comme prétexte. Et par exemple, c'est ce qu'on a fait avec le film Là-haut, Up, de Pixar, où c'est un dessin d'animation à trois dimensions. Mm-hmm. Et le héros soulève une maison à l'aide de ballons de baudruche. On s'est posé la question, est-ce que c'est possible ou pas de soulever une maison avec des ballons de baudruche? Et le retour à la réalité, c'est que aux États-Unis, il y a quelques amateurs qui font ce qu'on appelle du ballon clustering, qui s'accrochent des ballons de baudruche sur le dos pour voler. Voilà, il y a un Américain qui a un site sur le sujet et qui avait comme challenge de faire un vol dans chacun des 50 États des États-Unis. Il l'a fait. Donc, il s'accroche, c'est pas les petits ballons qu'on a l'habitude, des ballons météo de 2 mètres de diamètre. Et donc, ce qu'on propose aux étudiants, ils se baladent avec ça. Voilà. Et puis, quand il faut redescendre, ils percent un des ballons et puis ça redescend. Bien. On va se procurer ça, c'est formidable. Et donc, la question qu'on se pose, c'est combien de ballons il lui faut? On va proposer aux étudiants de faire une théorie pour déterminer le nombre de ballons. on va comparer cette théorie à la réalité. Donc là, c'est vraiment la démarche scientifique. Je fais un modèle, je compare avec la réalité. Et une fois que le modèle est validé, on va se dire, eh ben maintenant, si je l'applique à une maison, combien de ballons j'ai besoin? Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si stupide ce qu'il y a dans le film de Pixar. Il y aurait besoin d'à peu près... plus de ballons. Voilà, une 30 à 100 fois plus de ballons. Voilà. donc, voilà, il y en avait 22 000. Voilà, mais c'est pas totalement déraisonnable non plus. Voilà, donc on s'amuse plutôt à ça. Alors, c'est un peu le vérificateur. Oui, et puis l'enquête, par exemple, il faut trouver le poids d'une maison. Hein. Eh oui. Et ben ça, aux États-Unis, ils ont des sites où ils font des déménageurs de maisons. Et donc, sur les sites de déménageurs de maisons, on peut trouver le poids d'une maison. D'accord. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Je me tourne maintenant vers vous, après ce petit silence qui est absolument interdit à l'antenne. On a parlé au préalable de cette émission, Jacques Trenner, de votre position justement, de regarder la situation dramatique où la science est un pur prétexte. Et là, ça, j'ai pensé d'un seul coup que il est très difficile pour des choses extrêmement simples comme la relativité galiléenne, comprendre aussi le principe d'inertie. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, on le voit tout le temps, hein. C'est très difficile à comprendre. Et là, il y a, alors cette fois c'est pas dans Interstellar mais c'est dans Gravity, lorsque Clooney décide de partir, de se sacrifier, là, il succombe et mobilise quelque chose qui est l'implacabilité de l'inertie. C'est dramatique, l'inertie, dans ce cas-là. Oui, oui, ah ben bien sûr, oui. Mais là, il y a une belle conjugaison, non? Ah oui, absolument, c'est magnifique, mais bien sûr, oui. Mais en fait, pour avoir une intensité dramatique, on peut suivre les lois de la physique ou on peut les violer. Ça n'a aucune importance. Oui. Par exemple, dans beaucoup de films de science-fiction, la première loi qui est violée, parce qu'elle permet de faire des tas de choses, c'est la conservation de l'énergie. Oui. On se débarrasse de ça parce que ça permet de faire tellement de trucs. Par exemple, un des films moi qui m'avait marqué dans ma jeunesse, c'était Planète interdite qu'on trouve encore et qui est formidable. Et en un mot, sans raconter toute l'histoire, le nœud de la question, c'est que il y a une civilisation qui est parvenue à matérialiser ses pensées. Il suffit de penser à quelque chose pour le créer devant soi. Bon, alors. Évidemment, c'est bien quand on est réveillé, qu'on a envie d'un verre de coca, etc. On y pense et il est là. Mais quand on dort et qu'on pense et qu'il y a des monstres qui vous assaillent, comme ça, les monstres du psychanalystes, eh bien, les monstres apparaissent aussi bien. Et donc, finalement, cette civilisation a été détruite à cause de ça. Bon. Et alors c'est magnifique parce que c'est le thème on progresse dans la connaissance etc. Mais peut-être que ça va nous retomber sur le nez un jour et que c'est risqué tout ça connaître ça va pas de soi. Il y a des risques qui sont associés à tout ça. Donc c'est un vieux thème qui est magnifiquement traité. Mais pour le traiter, il faut se débarrasser de la conservation de l'énergie parce que si vous pensez à quelque chose, vous n'avez pas l'énergie, ça suffit pas pour créer l'objet. Il faut beaucoup d'énergie pour créer des objets. Donc, mais on s'en fout. Petite insiste, définition de la conservation de l'énergie. On pourrait donner aussi définition de la conservation de l'énergie, c'est de dire que si vous voulez, l'énergie, c'est ce qui permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière. La matière se transforme, c'est-à-dire on part de quelque chose, on obtient autre chose et on peut exprimer cette transformation sous la forme d'un bilan énergétique, c'est-à-dire de chiffres. On accroche des chiffres à ces transformations. Mais l'énergie n'existe pas en tant que chose et puis il y a toujours un avant. C'est-à-dire il y a toujours un système qui se transforme d'un état initial à un état final. Et donc, on ne crée pas de l'énergie à partir de rien et l'énergie ne disparaît pas non plus. Les systèmes se transforment et on caractérise ces transformations par des nombres. Et puis, en les construisant bien, on appelle ça de l'énergie et c'est utile pour dimensionner les systèmes énergétiques, par exemple. Bon. Oui. Mais voilà, donc on s'affranchit de ça parce qu'on pense... Penser, c'est juste actionner des neurones, donc c'est très peu de puissance, c'est très peu d'énergie mise en jeu. Et puis, quand vous créez des objets, ben chaque objet, c'est E égale MC2, il a une énergie de masse qui est colossale. Et donc, manifestement, c'est pas en pensant qu'on peut y arriver. Mais on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Il y a une émotion dramatique, on réinvestit un vieux thème sur les dangers de la connaissance et tout ça, etc. Et c'est magnifique. Mais dans un autre cas, comme l'exemple que vous citez dans Gravity, où le type s'en va, voilà, et c'est c'est aussi dramatique. Et là, il n'y a pas d'erreur de physique. Il n'y a absolument pas d'erreur de physique. Oui, si, il y en a. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, bon, d'accord. Ah, vas-y, vas-y. Justement, il y a une erreur de physique. Oui, ah, pardon. Ah, parce que, je me souviens mal. Alors. Les deux astronautes s'accrochent à la station spatiale. Oui. Ils sont immobiles par rapport à cette station spatiale, par rapport à l'ISS. Et là, on ne comprend pas pourquoi George Clooney, donc Kowalski, est comme tiré et comme vers autre chose. Dès lors qu'ils sont immobiles, la station spatiale et les deux astronautes sont en situation d'impesanteur, c'est-à-dire ils chutent de la même façon vers la Terre et plus aucune force ne devrait s'exercer entre eux. Mais il n'a pas un petit pit, moteur, etc. Non, pour s'en aller. Non, justement. Alors dans ce cas-là, je suis d'accord, il y a une erreur de physique. Et le ressort dramatique l'a emporté. Était important qu'un des astronautes se sacrifie pour sauver. Dans ce cas-là, il faut peut-être à nouveau, mais de façon expresse, bien définir. C'est-à-dire que, évidemment, cette force-là, c'est simplement que n'importe quel objet va rester d'un mouvement uniforme, permanent, sans connaître d'accélération, sauf si il lui arrivait quelque chose, de façon continue. C'est grosso modo une définition rapide que vous êtes en train... Jean-Michel Courty et Edouard Kialik de regarder si ma définition du principe d'inertie est bon. Tout à fait d'accord. Ouais. Et c'était pour dire qu'en fait, on a fait l'expérience au supermarché régulièrement. Alors. Quand on a son caddie de supermarché, surtout ceux où toutes les roulettes sont mobiles, ce qu'on voit, c'est que déjà, plus le caddie est rempli, plus c'est difficile de le mettre en mouvement. Voilà, donc quand quelque chose est au repos, il faut exercer une force pour le mettre en mouvement. Ça, on est habitué. Le truc, c'est qu'une fois que c'est en mouvement, vous arrivez au bout du rayon, vous voulez freiner, faut le ralentir. Plus il y a de choses à l'intérieur du caddie, plus vous allez avoir de mal à l'arrêter, donc à changer son état de mouvement. Vous êtes sur l'allée principale, à fond la caisse. Il y a le petit qui se met à courir dans le couloir de gauche. Vous voulez le suivre. Votre caddie, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Principe d'inertie, il continue tout droit. Oui. Et plus votre caddie est plein, plus vous allez avoir du mal à le faire aller sur le côté. C'est-à-dire à lui faire changer son état de vitesse. C'est ça l'inertie. L'inertie, c'est le fait que votre caddie, s'il bouge pas, vous allez avoir du mal à le mettre en mouvement. Mais une fois qu'il est en mouvement, si vous voulez le freiner, le dévier, ça va être compliqué aussi. Il va falloir exercer une force. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les caddies, c'est que ça nous amène au principe d'équivalence. C'est-à-dire que cette propriété qui a la matière de résister au changement de mouvement, c'est ce qu'on appelle l'inertie. Mais par ailleurs, votre caddie, vous pouvez à un moment donné, il va falloir le mettre dans des sacs. Il va falloir le porter. Et ça, ce que vous allez mesurer, c'est le poids. C'est-à-dire la manière dont toute cette matière est attirée par la Terre. Et a priori, le fait d'être attiré par la Terre ou de résister au fait de démarrage ou d'accélération, ça n'a pas forcément relié. Ce qu'a compris Galilée, c'est que, en fait, pour toute matière, ces deux propriétés sont intimement liées et que la capacité à être attiré par la Terre, c'est exactement la même que la capacité à résister à la mise en mouvement. Alors évidemment, la question habituelle, et d'ailleurs elle se pose très tôt, jeter une plume et jeter une boule de pétanque du haut de la tour de Pise, elles arriveront en même temps? Non. la boule de pétanque, elle va arriver avant la plume. Alors, en revanche, si je jette du haut de la tour Eiffel 1 kilo de plume et une boule de pétanque de 1 kilo, elles arriveront en même temps. L'intérêt de Gravity, pour revenir à ce film, c'est que justement, dans l'espace, ce que vous dites est parfaitement vrai. Et ce que l'on voit dans le film, c'est que l'ISS, avec ses centaines de tonnes et les astronautes, ils tombent en même temps vers la Terre. Oui. Car c'est ça l'aspect. Hein. Il faut pas oublier, ils sont en orbite autour de la Terre. Ils subissent l'attraction gravitationnelle terrestre. Ils ne sont pas isolés dans l'espace. Mais à cause de cette équivalence entre masse inerte et masse pesante que nous a rappelé Jean-Michel, ils tombent exactement de la même façon. Donc cela veut dire que les deux astronautes près de la station spatiale, ils ont exactement le même mouvement. D'accord. Et donc, de façon relative, ils sont immobiles. Alors juste avant donc notre petite... Pour vraiment se suicider, il faut qu'il il éjecte un petit peu de gaz voilà. Et qu'il s'en aille. Et là, c'est bon. Il faut qu'on lui rajoute une petite impulsion, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Impulsion, et, ouais. Et comme ça, il réussit son éloignement définitif. Voilà, et la scène conserve toute sa vérité. Toute sa vérité, tout voilà. Son aspect dramatique en même oui, temps. Oui, oui. Alors, évidemment, c'est encore prétexte. Juste pour finir, là, avant notre petite respiration musicale, je me répète, il y a quelque chose qui m'a gêné, parce qu'en plus, moi, je suis troublé, parce que j'y perds ma science quand je regarde, en me disant, est-ce que c'est possible ou pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, je vois des choses bizarres aussi. Alors, dans Interstellar, à un moment, il est spécifique qu'il y avait, alors on va faire évidemment là le distinguo entre la masse et le poids, et il est donc indiqué qu'il y a une force de gravitation sur la planète sur laquelle ils sont qui est de 70% de la quantité terrestre, en tout cas. Et donc, évidemment, on va se permettre des bons plus faciles, des démarches plus faciles. Alors, ils le mobilisent une fois. Mais alors, ils se trahissent à un moment. C'est que c'est un personnage féminin, saute d'un véhicule, 5 mètres, et elle tombe vraiment, alors, comme une terrienne, hein. J'aurais imaginé, moi, un trampoline pour respecter la chose. Donc, là encore aussi, ça peut être le prétexte à expliquer la différence entre le poids et la masse. Là, je vous trouve particulièrement sévère parce que 30% d'écart sur la gravité, c'est pas la Lune. Donc, qui c'est, est vrai, quand même... c'est vrai. Et du coup... Mais il remonte vite dans ravin. Hein. Oui, mais quand même, 30%... Être capable de visualiser ce que pourrait être l'effet d'une diminution de l'attraction gravitationnelle de 30% sur nos mouvements quotidiens, moi je trouve ça particulièrement compliqué. Je vous donne un autre exemple qui est rarement cité dans Gravity. Lorsqu'elle revient sur Terre dans le vaisseau chinois, donc on la voit et on s'aperçoit que la cabine commence à frotter dans l'atmosphère. On voit que c'est très rougeoyant à l'extérieur. Il n'empêche qu'à l'intérieur, les objets flottent toujours autour d'elle. Donc ça, c'est le signe qu'elle est toujours en état d'impesanteur. Pourtant, ça rougeoie à l'extérieur, donc elle est freinée. Oui. Ah, oui. Alors, est-elle en impesanteur ou bien subit-elle les forces des très très hautes couches atmosphériques? Là, elle est freinée par les molécules qui sont présentes. Qui subsistent au voisinage de la Terre, y compris à 100 ou 200 kilomètres. Oui. En fait, je ne peux pas vous répondre. Voilà, je ne suis pas certain de l'effet qu'aurait ce frottement sur des objets à l'intérieur. Là, c'était la musique de Gravity. Alors, il y a eu un moment de blanc, un petit blanc. Donc, c'était comme dans un espace comme la Lune, c'est-à-dire où les ondes sonores se propagent pas. Un moment de silence. Non ? On peut dire ça ? Pas de molécules portant l'air, pas d'ondes phoniques, hein ? Le silence. Pas de son. Dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Voilà. Alors... Jacques Trenner, vous êtes l'auteur donc de cette pièce. Là, vous êtes mis dans quelle disposition parce que est-ce qu'on pourrait faire un film, par exemple, de votre pièce? Oui, est-ce qu'on pense, oui. Oui, je pense qu'on peut. Oui, tout à fait. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est pas un peu... Enfin, bon, bref. On pourrait tout à fait, oui, parce que les ressorts dramatiques sont énormes, si vous voulez. Le sujet de la pièce, c'est... Bon, la découverte de la fission, c'est décembre 38, c'est-à-dire très peu avant le démarrage de la guerre. Et donc, cette fission des noyaux atomiques a provoqué, par une espèce de catalyse nucléaire, la fission de la communauté des physiciens. Ceux qui restaient en Allemagne, ceux qui sont partis, l'antisémitisme, tout ce contexte-là. Et des champions de part et d'autre. Voilà, oui, absolument, oui, bien sûr. Et donc c'est cette double fission qui est le sujet, et surtout parce qu'on se focalise sur les savants allemands, donc ils sont restés, qui avaient un projet de construction de bombes et qui n'y sont pas parvenus. Et quand ils apprennent, parce qu'ils sont mis au secret, ramassés par les alliés, mis au secret pendant quelques mois. Et là, ils apprennent à la radio qu'il y a une bombe qui est larguée sur Hiroshima. Et l'effet immédiat de cette annonce, c'est que ça les met au 36e dessous. Parce qu'ils étaient vaincus comme Allemands, et maintenant, ils sont vaincus comme scientifiques. Parce qu'ils étaient sur un projet, et ils ont raté là où ils pensaient être en avance, et c'est les autres qui ont réussi. Donc, ils sont désespérés, ils sont au désespoir. Et comme leurs conversations ont été enregistrées, on suit l'évolution de ce désespoir et ce qu'ils font de ce désespoir pour essayer de transformer un échec en position morale, enfin quelque chose pour redémarrer, quoi, pour pouvoir continuer à vivre. Mmh. Et donc, dans ce contexte-là, qui est donc un contexte historique, quoi, hein, la bombe et tout ça, eh bien, chacun, un contexte historique extrême, si vous voulez, chacun est poussé aux limites de ce qu'il est. Et donc, le tendre est hyper tendre, le dur est hyper sec, chacun est poussé au maximum de sa personnalité. Donc, on perçoit ça, on perçoit toutes ces différences et de réaction par rapport à ça. L'aristo est hyper aristocratique, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point chacun se différencie par rapport à ce contexte. En plus de ça, c'est un huis clos. Et par rapport à ce contexte, il leur tombe dessus. Et évidemment, personne n'est préparé à une situation de ce genre, parce que quand on fait ses études, on n'est pas préparé à des situations comme ça. Donc tout le monde est impréparé, et puis on voit comment les gens essaient de se débrouiller avec ça, quoi, comme ils peuvent. Ah, vous êtes un être biphase dans la circonstance, parce que préoccupé très naturellement, ou en tout cas informé de cette situation, puisque vous êtes physicien et vous avez regardé l'histoire, et là vous vous transformez avec votre fils en dramaturge d'une certaine manière. On l'a écrit à deux, vraiment. À quatre mains, oui. Et dans ce cas-là, vous changez de registre, mais vous êtes informé par le physicien. Ce que j'essaie de voir, c'est que il y a quand même un prétexte, là, au fond, historique, où ça n'est qu'un prétexte. Parce que c'est là, le personnage de la science est essentiel. C'est lui le facteur du drame. Oui, c'est lui le décor extrêmement fort, extrêmement pesant, évidemment, sur les individus. Parce qu'ils sont, comme je vous disais, poussés vraiment aux extrêmes de ce qu'ils peuvent faire. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce contexte-là, justement, comment les gens se reconstruisent une histoire. Et en fait, ça renvoie à des mécanismes psychologiques qu'on a en permanence. Hein. Quand on n'est pas très content d'un truc, on se l'arrange, on se le raconte à sa façon, etc. Donc, c'est des mécanismes qui sont bien connus. On sélectionne, on reconstruit, hein. On se raconte des histoires, et puis c'est ça dont on va se souvenir, et c'est ça dont on va parler, etc. Et simplement, c'est ça, mais exacerbé par le contexte historique et scientifique de l'époque. Quoi. Donc ça correspond bien à la position que vous définissiez de façon générale au début. Là, vous rentrez dans plus de détails de votre propos et de votre œuvre commune, mais c'est cette position. Alors, revenons quand même à ceux qui trouvent des aliments pour vulgariser la science. On peut peut-être dire, et peut-être s'étonner, alors c'est généralement ça s'appelle plutôt des docu-fictions, mais prenons l'affaire Semmelweis, c'est-à-dire... non, là je vois que les physiciens tournent le nez. Non. Il s'agit donc d'un médecin qui recommandait simplement à Vienne de se laver les mains. Et les statistiques montraient que les parturientes, dans son institution à lui, en réchappaient, puisqu'il y avait une mortalité terrible, jusqu'à 70%. Alors que les autres, du haut de leur grandeur, de leur dignité de pont de la médecine, disaient « mais c'est quoi cette histoire ?» Ils remontaient de salles de dissection sans se laver les mains et ils accouchaient les femmes. Ils avaient donc une mortalité terrible. Il y a, ça a été la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline. C'était étonnant, mais en tout cas, voilà quelque chose dont la prophylaxie, et puis ça n'en était pas arrivé, on n'avait pas le microbe, forme un drame. Bon, Giordano Bruno, quand on lui arrache la langue et qu'on le brûle sur le Campo dei Fiori, le 1er février 1600, c'est un drame de science aussi. Donc, est-ce que ça peut être prétexte là? Alors, je dis pas à la science, mais... Là, c'est un drame où il y a, dans le cas de Fission, le titre de cette pièce, il y a un drame. Est-ce que, pour se dégager un petit peu du cinéma, il y a des choses qui vous apparaissent comme ça? Alan Turing, c'est saisissant. Deux inventions majeures qui viennent simplement de la réflexion ou de la chance, puisque Fleming, pénicilline, mais lui, il l'a trouvé par chance, d'une certaine manière. Hein. Et évidemment, Alan Turing qui va savoir casser le code Enigma. Donc il y a des prétextes dramatiques dans la science. Peut-être ils sont tous historiques. Oui, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir que la science, depuis toujours, est dans la société. Et que faire de l'histoire, etc. Et ben, il y a des situations dans lesquelles il y a la science qui est acteur. Effectivement, tout ce qui est avec Turing, les questions des codes secrets. Moi, je suis passionné par les histoires de codes secrets. Toutes ces histoires pendant la Seconde Guerre, etc. C'est fascinant. Il y a une série britannique en petits épisodes où ils relatent l'histoire de femmes qui travaillaient en fait comme tous les hommes étaient au front, dans les services de décodage, etc. Il y avait énormément de femmes qui étaient au décodage, qui avaient été sélectionnées par des tests de mots croisés, etc. Et cette série reprend ces femmes 20 ans après, où elles ont dû retrouver leur vie de femmes au ménage domestique, cacher le fait qu'elles avaient eu un rôle dans la guerre et le fait qu'elles avaient, par leur intelligence, aidé leur nation. Et ben voilà, on a de la science, on a du vécu, on a des personnes et voilà, la science, elle est là. Je vais dire comme Jacques, comme élément du décor. Et plus on aura pour moi de science comme élément de décor, des scientifiques dans des romans, plus ce sera facile pour nous d'expliquer que on n'est pas dans un monde à part. On est des hommes de notre temps avec une certaine profession, mais les mêmes qualités, les mêmes défauts que tout le monde. Alors venons à l'actualité qui était tout à l'heure mobilisée par Édouard Kerlik concernant, ou d'abord par tous les deux, je pense, concernant les ondes gravitationnelles et leur détection. Faisons un petit peu de didactisme radiophonique là, parlons-en un petit peu puisque ça vient dans l'actualité des résultats et des découvertes scientifiques. Il y a l'expérience microscope qui va tester donc ce principe d'équivalence. Est-ce qu'on peut en dire que oui, un mot? En fait, je voulais rebondir, je suis désolé, sur ce que vous venez de dire. C'est intéressant la transition que vous venez de faire, parce qu'à la fois, on a bien dit que la science, c'était un décor, c'était un contexte, c'est un élément de culture. D'ailleurs, on est bien sur France Culture. Okay. Mais par ailleurs, immédiatement après, dans votre discours, vous portez aussi ce qui fait que la science est singulière. Le discours scientifique, c'est pas non plus... C'est un discours qui est tout à fait particulier. Qui a ses propres valeurs. Donc, vous voyez, si on est à la fois totalement dans la société, nous sommes des hommes, nous avons les mêmes problèmes que tous les autres hommes, mais simultanément, nous essayons, en tant que scientifiques, d'élaborer un discours, une pensée qui s'affranchit aussi de notre société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut malgré tout lire les écrits de Pythagore, indépendamment du contexte dans lequel ils ont été écrits. Donc là, il y a une espèce de tension permanente qui est, qui est, qui est très intéressante. On est comme tout le monde, mais on n'est pas comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Et là, c'est aussi évidemment la beauté des résultats avérés, parce qu'on ne peut pas parler de vérité absolue, puisque tout résultat scientifique, par définition même, est à un moment arrêté, admis par une communauté qui l'universalise et qui dit « c'est bon », alors qu'il est lourd de réfutabilité. C'est justement le cas. Alors là, j'y reviens tout de suite sur Microscope, sur le test du principe d'équivalence, parce que ce principe d'équivalence qui a été énoncé par Galilée avec son donc cette expérience de laisser des choses tomber de la tour de Pise, Einstein le met comme postulat de base de la théorie de la relativité générale. La théorie de la relativité générale repose sur cette équivalence entre l'inertie et la gravitation. Bon, eh bien, c'est pas pour ça que les scientifiques vont décider, ça y est, Einstein l'a dit, et puis c'est réglé. Et donc, on va chercher à le tester, ce principe d'équivalence, et donc à prendre des objets de composition chimique différente et à regarder si effectivement ils tombent pareil. Aujourd'hui, on sait le faire avec ce que les scientifiques disent 10-12. Donc, si on fait tomber des expériences sur Terre, on fait tomber des objets dans le vide, on fait des mesures très précises, et on sait que à un millième de milliardième, eh bien, ils tombent pareil. Bon. Il se trouve que il y a des gros problèmes. Pour l'instant, on ne sait pas réconcilier la mécanique quantique et la gravitation. Bon. Or, toutes les théories qui actuellement essayent de réconcilier la mécanique quantique et la gravitation disent qu'à un moment donné, eh ben, le principe d'équivalence devrait être plus ou moins violé, et on devrait avoir une différence sur la chute d'objets de composition différente. Donc les physiciens se disent, eh ben, on va le tester. Et donc le principe de microscope, c'est de faire 1000 fois mieux que ce qu'on sait faire actuellement, c'est-à-dire de tester le principe d'équivalence à 10-15, c'est-à-dire 0,0015 fois. Et là, eh ben, c'est l'expérience qui va dire. Certaines théories d'unification, gravitation, relativité prédisent des violations vers 10-14, 10-15, d'autres vers 10-17, d'autres vers 10-20. Bon, donc si on voit un signal, eh ben, c'est que c'est violé, ça veut dire ça valide les théories. Si on le voit pas, et donc on est content. Si on le voit pas, eh ben, ça veut dire qu'on a déblayé une partie des théories, et puis qu'il va falloir aller plus loin, et on est encore content. Donc ça, c'est le coup des scientifiques, c'est-à-dire, je vois quelque chose, je suis content parce que c'est nouveau. Je veux dire, quand ça marche pas, un physicien, il est ravi parce que ça veut dire qu'il y a des choses à étudier. Et puis sinon, bah, si ça marche, on dit c'est super, grand triomphe de la relativité générale, ça a marché. Et donc là, microscope, il va falloir 2 ans, laisser tourner donc 1 kilo de platine et 1 kilo de titane pendant la Terre pendant 2 ans, mesurer leur écart de rotation autour de la Terre, et puis bah, dans 2 ans, on pourra dire à 10-15 si le principe d'équivalence est vérifié ou pas. Oui. En écoutant Jean-Michel, je réalise à quel point la relation entre gravitation et mécanique quantique est un des ressorts narratifs d'Interstellar, justement, de Christopher Nolan. Puisque la résolution des problèmes de l'humanité, en gros, l'humanité quitte la Terre pour vivre au voisinage de Saturne, est liée justement à la découverte de la nature quantique de la gravitation. C'est au cœur du film. Et il faut attendre que par ce robot là, le TARS envoie les informations à une des héroïnes pour qu'elle puisse avoir cette compréhension fine des phénomènes et trouver l'antigravité qui sauvera l'humanité. Comme quoi, un thème d'actualité scientifique sous-jacent pour nous, un vrai sujet de science depuis une trentaine d'années, finalement réapparaît dans le film. De façon certes légère, mais elle est bien présente. Et ça, et c'est aussi pour nous l'intérêt du cinéma, c'est de faire émerger auprès du plus grand nombre des questions scientifiquement fortes. Avant de me tourner vers Jacques Trenner, cela dit, en tant que strict spectateur, pour ce qui est de la fin d'Interstellar, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris, et en plus il était admis, alors que l'affaire de l'unification de la relativité générale avec la mécanique quantique était obtenue. Bon. Et en plus, j'ai trouvé que là, on tombe sur deux poncifs hollywoodiens. Je me suis dit, à un moment, il y en a bien deux cow-boys qui vont se foutre sur la gueule. Oui, c'est arrivé. Sur une planète, celle dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu bagarre, quand même. C'était duel dans la vallée de la mort. Et puis, quand on s'est plus comment désigner au bout d'un moment ce qu'est la réalité du principe physique où la mécanique quantique et la relativité générale sont réunies, ça s'appelle l'amour. Bon, très bien, c'est la loi des poncifs, c'est ce que vous voulez dire. Dans tous ces films d'anticipation, et là c'est une grande qualité que je leur trouve, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la qualité narrative, c'est le message subliminal qui fait sortir les gens de ce qu'on voit autour de nous, qui est quelques mètres de distance, quoi. On sort de la Terre, mais là, par exemple, ça s'enracine. Pourquoi il faut partir? Parce que il y a le dérèglement climatique qui se généralise. Oui, donc voilà, on s'ancre sur un truc dont on a entendu parler tout plein, etc. Bon, et puis on voyage, quoi. On s'en va. Et ça, je trouve que c'est un truc extrêmement positif, quoi. Ça crée une espèce de on est dans le contemplatif, quoi, finalement. La Terre, le système solaire, l'univers, etc. Et ça, ça va de soi. Il n'y a pas besoin de le dire, hein, puisque c'est ce qui se passe. Donc on le voit. Ben voilà. Ben tout le monde voit que voilà, on est un tout petit truc là, et puis qu'il y a tout le reste qui est là autour et qui. Donc ce qui est, c'est là, il faut parler de la poétique, quoi. Oui, absolument. Ah c'est poétique, ça c'est un élément directement poétique, formidable. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est... Alors au préalable de cette émission avec Jean-Michel Courty, on a évoqué les quasi-cristaux. Pourquoi? C'est moi qui ai lancé la chose, donc je vais parler 3 secondes, mais expliquer ce que c'est. Ça part d'un principe d'abord qu'il y a une sorte d'axiome terrible en géométrie, c'est qu'on ne peut pas paver le plan avec des pentagones. Autrement, on laisse des vides. Donc c'est impossible de paver une salle de bain avec des pentagones. Et puis un beau jour... selon un certain alliage, et en le regardant avec donc un spectrographe, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était quasiment un pavage avec quelque chose qui était pentagonal. Et là, il y a eu un magnifique mouvement, je trouve que c'est absolument un magnifique mouvement, et la raison qui sous-jacente à mon propos, c'est qu'on va arriver à la notion d'espace, et de type d'espace, et puis aussi d'invention d'espace, c'est que d'un seul coup, il était possible, en rajoutant un espace, de parfaitement comprendre. Le pavé de base, c'est un triacontaèdre. Donc, il y a une forme polygonale bizarroïde, mais ça pave le plan pratiquement sans vide. Et d'un seul coup, ce qui était la classe des cristaux, et qui avait parmi elles, dans ses impossibilités de symétrie, la pentagonale, dans le plan, eh bien, c'est devenu une sous-classe de la classe générale des quasi-cristaux. Et je trouve que ce mouvement-là est d'une beauté extraordinaire. Et vous partagez mon sentiment. Ce que j'ai trouvé dans cette question des quasi-cristaux, c'est que on a des, pour comprendre une structure de la réalité, on va faire appel à des structures mathématiques que on a appris à l'école, d'espace de dimension supérieure, chacun un peu sa matière de se le visualiser dans la tête, mais ça reste des abstractions. Et le fait là de voir que grâce à ces abstractions avec lesquels on joue, mais intellectuellement, on peut expliquer quelque chose de la réalité, comprendre comment ces structures pourront apparaître, comprendre pourquoi c'est régulier, mais pas totalement régulier, comprendre les propriétés physiques, c'est assez fascinant parce que quand même, on est dans un monde. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde à 5 dimensions. Notre monde, il a 3 dimensions et on peut les mesurer et on peut le faire. Et se rendre compte que grâce à une structure mathématique abstraite, on va pouvoir déterminer des propriétés physiques comme la conductivité électrique ou la conductivité thermique de ces matériaux, pas juste du pavage abstrait, mais vraiment avoir un accès aux propriétés physiques de vrais matériaux qui existent par des abstractions mathématiques dont on se demande d'où ça sort, moi ça me fascine. Oui, en plus on a essayé de faire des poils parce qu'on s'est rendu compte qu'avec des quasi-cristaux, enfin, ou ce type de polyèdre, il y avait une meilleure conduction thermique. Passons. En tout cas, là encore, changer d'espace parce qu'il y a un élément dramatique permanent dans je suis obligé de me tourner pour pas me tromper, Interstellar. où tout le monde est dans des espaces propres aussi à un moment. Donc ça rappelle que chacun d'entre nous, bon là, on est tous pareils, on est sur le même référentiel, on va le même pas, on est exactement comme les mouches et les papillons dans le bateau de Galilée qui va vers Alep en quittant Venise. Mais rien que ça, c'est-à-dire que on a des horloges propres qui sont déterminées par la vitesse de déplacement d'un référentiel. C'est magique, ça, non? Oui, c'est totalement. Oui, mais c'est un peu comme pour certaines propriétés de mécanique, enfin pour l'ensemble des propriétés de mécanique quantique, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui se manifestent à des échelles qui sont pas celles dans lesquelles notre cerveau se constitue. Donc on n'a aucune intuition de ça parce que nous sommes à une échelle qui est le mètre. On n'est pas à l'échelle des particules quantiques, on n'est pas à l'échelle de la relativité. Donc on développe notre intuition quand on est tout petit, un an, deux ans, machin, etc., en expérimentant le monde comme ça, et on n'a pas accès à cette phénoménologie. Donc en fait, on n'a aucune intuition de ces phénomènes. Et justement, ce que font les physiciens, mais il faut 10 ans d'études pour ça, c'est d'essayer de se rééduquer une intuition, de se reforger une intuition à partir de la description formelle de ces choses-là. Et la description formelle, on l'a fait avec une précision extraordinaire. Oui. Donc, on a ces équations, et puis en jouant, mais ça demande des années, c'est ça les études de physique, mais on parvient à se reforger une intuition qui permettra de dire, oh, ben, dans cette situation, il doit se passer ça, sans avoir besoin de refaire tous les calculs, parce qu'on s'est reforgé une intuition à partir du formalisme. C'est un esprit reconstitué, donc oui, c'est la construction du rationnel. Oui, oui. Mais à une autre échelle. À une autre échelle, et qui est d'une grande beauté, oui. Oui, justement, dans Interstellar, où on a une mise en évidence, cette dilatation du temps propre, mais de façon absolument spectaculaire, puisque une heure passée sur une planète équivaut à 7 ans pour la personne qui est restée... éloigné très loin sur le vaisseau spatial. Ouais. Le paradoxe des jumeaux de Langevin, voilà. C'est un jeu là-dessus, juste pour dire qu'à la fois, effectivement, c'est au-delà de notre quotidien et de notre appréhension, mais par ailleurs, c'est tout à fait au cœur du fonctionnement du GPS. Oui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les progrès sont tels que cette dilatation du temps propre, dans le cas du GPS, à cause des effets de relativité générale, on l'a vérifié tout à l'heure, c'est 45 microsecondes par jour. C'est ça. Les satellites vont plus vite, donc les pendules internes ne battent pas la même mesure que sur Terre. Alors ça, c'est 7 microsecondes, le fait qu'ils aillent plus vite. Oui. Mais non seulement ils vont plus vite, mais plus ils sont en altitude. C'est ça. Donc ils sont pas au même potentiel gravitationnel. Exactement. Et ça, c'est 45 microsecondes. Et 45 microsecondes, c'est énorme. 150 mètres d'erreur s'ils n'étaient pas ajustés. Alors 2 kilomètres, juste... Oui. Que les téléphones portables qu'on a tous dans la poche, d'accord, ils battent, on entend le gigahertz. Le gigahertz, c'est une nanoseconde, un milliardième de seconde. Ça, c'est ce qu'on a dans la poche comme horloge qui bat. Bon, et bien là, les 45 microsecondes, c'est 45 millionième de seconde. Donc, c'est 45 000 fois plus que ce que peut mesurer un téléphone portable, l'horloge d'un téléphone portable. C'est en fait énorme à notre échelle. Bien, ça veut dire que quand on fait fonctionner son GPS dans la voiture, on peut regarder à côté de soi et il y a Einstein qui est là, assis à côté de vous, et il a un petit sourire aux lèvres. Et ben voilà, ça sera la fin. On a Einstein, tonton Albert, assis à côté de nous dans la bagnole quand on est avec son téléphone portable et les réajustements de la relativité. Bien. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Merci à Jacques Trenet, à Jean-Michel Courty et à Edouard Kerlik. Je rappelle qu'on peut aller voir, et puis on va le signaler quand même, parce que ce théâtre-là, c'est le théâtre de la Reine Blanche. Il est dirigé par une physicienne qui est la patronne des études de l'école de physique chimie de Paris, Elisabeth Bouchot. C'est quand même à signaler, hein. Donc là, il y a la conjugaison de l'art. En plus, elle est comédienne. Donc on peut aller voir la pièce de la famille Trenet, mais on va le dire comme ça, père et fils. Toutes les informations sont seront bien sûr sur notre site, à la console technique aujourd'hui. Philippe Palares, à la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation Denis Journeau, Stéphane Delisgeorges. Continent Science est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez au site internet franceculture.fr, l'émission Continent Science. Demain, à la même heure, Les révolutions médicales par René Friedman. Bon après-midi à tous.